إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن المرأة في الإسلام كنز ثمين ودر مصون ومعدن حسن تخاف عليه العيون وبيضة خدر بيضة خدر لا يرام خباؤها وآفاق عز لا تنال للعابثين سماؤها فهي لؤلؤة غالية يجب حفظها عن سهام الناظرين وملكة جمال لأهلها يلزم حراستها من أيدي السوقة واللاهين ولما للمرأة من المكانة والمنزلة أوجب الشرع الحكيم حفظها وسترها ففرض وأقام الإسلام عليها الحجاب الساتر والغطاء الظاهر صيانة لها وأمانا لروقنها وإبعادا عن تعلق الأجانب بها فتبقى بحجابها محفوظة من كل نفس لاهية وعين طاغية وأفعال مؤذية ومضايقات مردية قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي ذلك اللباس أقرب أن يعرفن أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاؤهن فيسلم ويسلمن لأن المنافقين في المدينة كانوا يؤذون النساء في الليل إذا خرجت لحاجتهن فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى النساء الحرائر بالحجاب وأما أدلة الحجاب من السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها رواه البخاري وقال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث فاختمرنا أي غطينا وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستتار ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن صفية ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن لنساء قريش لفضلا ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهم امرأة إلا قامت إلى مطرها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وحينما أباح الشرع الشريف للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها دل ذلك الاستثناء من عموم الناس على عدم جواز كشف الوجه، ولو كان يجوز ذلك لما احتاج أن يخصص الخاطب بالنظر دون الناس، فكان سيرى وجهها في الشارع كما يراه غيره. عباد الله، قد جاء التعبير عن الحجاب بثلاثة ألفاظ، وهي الأول الحجاب في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والثاني الخمار، قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قال العلامة ابن عثيمين في بيان معنى الآية: فإذا كانت المرأة مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها، كانت مأمورة بستر وجهها من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة، فالناس عندما يطلبون جمال الصورة ينظرون للوجه، فإذا قيل فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فإن الوجه هو موضع الجمال، فكيف يفهم أن الشريعة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ أما اللفظ الثالث هو لفظ الجلباب، يقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. عباد الله، وهناك شبهات يتكئ عليها بعض من لا يجبون الحجاب على النساء، بل يدعو بعضهم المرأة إلى كشف حجابها وأن الصواب لها ترك ارتدائه. فمن تلك الشبهات أن الحجاب تشدد والدين يسر، وأن ترك الحجاب مصلحة يقتضيها العصر. والجواب عن هذا أن تقول: نعم، إن دين الله دين مبني على اليسر ودفع المشقة، وأدلة هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في لبس المرأة للحجاب مشقة، لأنه التزام لشرع الله الذي هو صالح لكل زمان ومكان، وإنما يشق ذلك على من كان في نفسه نقصان رضا بذلك الشرع الحكيم، حتى ولو وجدوا فيه بعض المشقة فإن المشقة في حدود الطاقة البشرية يعني مطلب شرعي، ولذلك سميت أوامر الشريعة ونواهيها تكاليف، لأن فيها كلفة ولكنها كلفة محتملة. وأما ادعاء أن ترك الحجاب مصلحة عصرية فهذا قول من يريد أن يطوع الشرع للواقع ولا يجعل الواقع تابعا للشرع كما أراد الله تعالى. فالمصالح المعتبرة شرعا هي المصالح التي لا تخالف الشرع، أما إذا خالفتها فإنها مصالح ملغية ولا يحل الأخذ بها. ومن شبهاتهم قولهم إن عفة المرأة في ذاتها وليس في حجابها، فنقول صحيح أن الحجاب لا يلزم منه أن تكون كل من لبسته عفيفة، بل هو أمر شرعي فرضه الله تعالى لمصلحة المرأة ومصلحة الرجال الناظرين إليها. فالحجاب للمرأة مكمل لعفافها وليس خالقا له، وقد شرعه الله ليخلق كمال الطهرة فيها. ولا أحد منا يقول إن كل من لم تلتزمه تكون دائما فاجرة، وأن من التزمته تكون دائما طاهرة. والجانب الآخر أن الله شرع الحجاب للنساء حرصا على عفة الرجال، حتى لا تقع أبصارهم على المفاتن التي تخدش العفة وتؤدي إلى العواقب الوخيمة بعد ذلك. بل قد تكون النظرة الشرعية إلى دفع هذه المضرة عن الرجال أعظم، لأن المرأة الغير الملتزمة بالحجاب مهما كانت عفيفة تولد هيجان الشهوة لدى الناظرين إليها، فإن عفتها لا يمكن أن توقف اعتداءهم عليها بالتحرش والاغتصاب. وقراءة عابرة في المجتمعات المتفتحة تخبر عن هذه الحقيقة. ومن شبهاتهم كذلك احتجاجهم بقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الزمان. والجواب عن هذه الشبهة الداحضة أنه لو كان قولهم مقبولا على ظاهره للزم أن تكون مصير جميع الأحكام مرهونة بأعراف الناس وعاداتهم، ولا يمكن أن يقبل هذا مسلم، حيث أجمع العقل والنقل على أن العادات تضبط بضابط الشرع لا العكس، وذلك لقطعية صحة أحكام الشرع وسلامتها بخلاف أعراف الناس. فقد تكون موافقة للشرع الذي جاء بما يحقق مصالح الناس على سبيل القطع والجزم لا على سبيل الظن والوهم، وقد لا تكون موافقة له، بل قد تكون من أسباب حصول المضرة على الناس. فأي السبيلين أقوم وأجدر بالاتباع؟ ومن شبهات الأعداء أعداء الحجاب يقولون إن في الحجاب كبت للطاقة الجنسية، وهذا الكبت يولد انفجار الطاقة الشهوانية لدى الشباب بخلاف غير المتحجبات، فإن الحد تكون أقل. والجواب أنه لو كانت هذه الدعوة صحيحة لكانت البلدان التي ليس فيها الحجاب كأوروبا وغيرها من البلدان الغربية أقل البلدان في نسبة وقوع الفاحشة بارتكاب الزنا وحالات الاغتصاب، ولكننا وجدنا العكس، حيث أن هذه البلدان بلغت إحصائيات الجريمة فيها الذروة بخلاف البلدان الإسلامية التي التزمت النساء فيها بالحجاب، فلا تكاد تجد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي. وكل ذلك مؤكد على بطلان هذه الشبهة وفسادها. عباد الله، ومن شبهات المرجفين والمشككين في إيجاب الحجاب أيضا أن الحجاب من عادات الجاهلية وهو تخلف ورجعية. والجواب عن ذلك أن هذا القول قول من لا يعرف الجاهلية، فكيف له أن يعرف حقيقة الإسلام؟ فالحجاب الذي فرضه الله على المرأة المسلمة غير الحجاب الذي كان سائدا في الجاهلية. صحيح أن بعض النساء كنا يرتدين حجابا، وذلك لحرص العرب على الحشمة وصون العرض، لكن ذلك الحجاب ناقص عما أمر به الإسلام، ولذلك نهى الله النساء المؤمنات أن يتشبهن بنساء الجاهلية في حجابهن الناقص. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير رحمه الله: والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وعنقها ويبدو ذلك كله منها. بل نقول إن الصفور هو الرجعية في الحقيقة، فإن المرأة المتبرجة تشبه في لباسها المرأة البدائية التي كانت لا تجد من اللباس إلا الشيء اليسير الذي تستر به أجزاء من جسدها. فمن يشبه نساء الجاهليين؟ المرأة الكاسية بلباس لجميع جسدها كالمسلمة، أو المرأة التي ليس عليها إلا القليل من اللباس الذي لا يستر جميع جسدها؟ عباد الله، إن الحجاب للنساء خير عظيم، وإن في نزعه شر عميم، فاتقوا الله وحثوا نساءكم على لباس الحجاب، سائلين الله أن يوفق جميع نساء المسلمات للالتزام بالحجاب عبادة لا عادة ورضا لا كرها. وإذا فكرنا كذلك أن المرأة إذا كانت تستطيع أن تغطي وجهها لأسباب صحية أو للاحترازات الصحية تستطيع أن تغطي وجهها بالكمامة، فكيف لا تستطيع أن تغطي وجهها يعني لتطبيق دينها وأوامر ربها يعني بالنقاب أو بما يغطي وجهها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، خيي الله، préservez-vous d'Allah Azza wa Jal pour le jour de la résurrection, le jour où on aura tous à rendre des comptes devant le Seigneur des mondes. Serviteur d'Allah, sachez que en islam, la femme est un trésor précieux et une perle qu'on doit préserver des regards et préserver des agressions ou de toutes sortes de mal qui pourraient l'atteindre. Et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal a légiféré le hijab à la femme musulmane. Et ça, c'est une chose très importante à comprendre, parce que beaucoup de musulmans et beaucoup de non-musulmans également pensent que la religion, c'est une question de culture ou une question de coutume et de tradition. Or, vous savez que les traditions et les coutumes, c'est quelque chose qui change d'époque en époque ou de lieu en lieu, et qui peut changer avec le temps. Donc si c'est une question culturelle, si on change de contexte, si on change de lieu, si on change de pays, c'est quelque chose qui va changer avec le changement également. Et les gens s'adaptent, peu importe leur culture, s'ils changent de milieu, s'ils changent de contexte, ils changent de pratique. Sauf que la religion musulmane, c'est pas une culture. La religion musulmane est basée sur une révélation, sur la parole d'Allah Azza wa Jal qui est dans le Coran, et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est dans sa sunna, et également dans l'exemple des pieux prédécesseurs, les sahaba et ceux qui les ont suivis, ceux qu'on appelle as-salaf as-salih. Et donc, étant donné que ces pratiques islamiques que nous faisons et que nous mettons en pratique sont basées sur la révélation, c'est pas quelque chose qui peut être modifié parce qu'on change de milieu, ou parce qu'on change de pays, ou parce qu'on change d'époque. Non, parce que les règles d'Allah sont révélées pour toutes les époques, et pour être appliquées partout, peu importe le lieu, et peu importe le contexte. Et si le contexte était vraiment une excuse pour que quelqu'un s'éloigne de la pratique de l'islam, alors à ce moment-là, il deviendrait obligatoire à une personne de sortir du contexte, ou de quitter le contexte dans lequel il n'est pas capable de vivre selon les ordres d'Allah, pour aller vivre dans un contexte dans lequel il va être capable de mettre les règles d'Allah en pratique. Donc le fait de parler du contexte ou du lieu ou de l'époque, ça c'est quelque chose qui est incorrect. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal, il a ordonné le hijab aux femmes musulmanes dans plusieurs versets dans le Coran. Et il y a plusieurs termes qui sont employés dans la révélation pour désigner le Coran, le hijab. Il y a le terme hijab lui-même qui est mentionné dans sourate Al-Ahzab, dans le verset 53. dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit de façon générale que lorsque vous leur demandez quelque chose, c'est-à-dire aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandez-leur de par derrière un rideau, un hijab. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ hijab. C'est là que le terme hijab est employé ici, pour désigner que lorsqu'ils demandent quelque chose aux femmes, ils doivent demander de par derrière un rideau. Et Allah, il dit, ceci est plus pur pour vos cœurs, hein, pour vos cœurs et leurs cœurs. Plus pur pour le cœur des hommes et plus pur pour le cœur des femmes. Et si c'était plus pur pour le cœur des sahaba et le cœur des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les personnes les plus pures au monde, alors que dire de nous aujourd'hui? On a encore plus besoin de pureté qu'eux. Et donc c'est encore plus obligatoire pour nous aujourd'hui de mettre en pratique ces règles que ce l'était pour eux à leur époque. Le deuxième terme qui a été employé pour désigner le hijab dans le Coran, c'est al-khimar. Et ça, c'est dans le verset 31 dans Sourate An-Nur. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. C'est-à-dire qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine et qu'elles n'exhibent pas leur parure, c'est-à-dire leur charme, leur beauté, leur forme. Hein? Et le khimar, c'est parce que les femmes prises dans la prise l'âme, c'est-à-dire avant la révélation du Coran, elles portaient un foulard, mais elles ne le portaient pas à la manière des femmes musulmanes. Elles s'attachaient les cheveux avec un foulard, mais elles laissaient paraître l'ouverture de la poitrine, hein, et le cou, et on voyait leur parure et leurs bijoux et leur forme. Et Allah Azza wa Jal, il a dit qu'elles rabattent leur khimar par-dessus leur poitrine, c'est-à-dire pour que ça descende et que ça couvre l'ouverture du col. Qu'est-ce qu'on appelle en français, l'ancien français, on dit les gorges, hein, la gorge de la femme, c'est-à-dire ça couvre toute sa poitrine et son cou. Donc, c'est-à-dire qu'elle devait rabattre son khimar par-dessus sa poitrine, en couvrant également de cette façon son visage. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il explique à ce sujet-là. Il dit, comment on pourrait comprendre que la femme en islam, elle est ordonnée de cacher sa poitrine et qu'on la laisserait en même temps montrer son visage, alors que la plus importante des choses dans le corps de la femme et la plus grande beauté dans le corps d'une femme, c'est bien son visage. Si on dit telle femme est belle, est-ce qu'on parle de ses pieds ou est-ce qu'on parle de son visage? Donc si Allah Azza wa Jal, il a ordonné de couvrir ses pieds, est-ce que c'est logique alors dans ce cas-là qu'elle ait le droit de montrer son visage alors que sa beauté elle est dans son visage? Donc ça fait partie des arguments des ulama qui ont montré l'obligation pour la femme de couvrir son visage et que ça rentre dans la définition même du hijab. Et sachez que le fait de couvrir le visage dans l'obligation de porter le hijab, c'est quelque chose qui était en pratique dans tous les pays musulmans avant la colonisation. Mais les colonisateurs, lorsqu'ils ont envahi les pays musulmans, leur effort et toute leur tactique ont été d'appeler les femmes à retirer le voile par lequel elles se couvraient le visage. Et c'était ça leur travail numéro un. Hein, quand il parlait de vouloir interdire le voile au début, c'est toujours d'interdire de cacher le visage de la femme. Et petit à petit, les koufars, les ennemis de l'islam et les colonisateurs, ils ont toujours travaillé pour essayer petit à petit que la femme musulmane se dévoile de plus en plus. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on retrouve des femmes musulmanes qui se disent pratiquantes, qui ne portent qu'un petit morceau de tissu sur leurs cheveux, et qui laissent paraître toutes les formes de leur corps avec des pantalons serrés et des hauts serrés, où on voit la forme de leur poitrine, les formes de leurs fesses, de leurs cuisses, tout ça, et elles portent un foulard sur leurs cheveux. Est-ce que ça, c'est ce qui est ordonné par Allah quand on parle du hijab? Bien sûr que non. Le hijab, comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné, ça implique de couvrir le corps de la femme au complet par un grand tissu ample qui couvre toutes les formes pour que lorsqu'un homme regarde, il ne voit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'il puisse voir qui puisse causer en lui une tentation ou un désir. Et ça, c'est le vrai hijab qui respecte les règles de la charia de l'islam. Tandis que le petit foulard que la fille, elle met sur sa tête, avec des pantalons et un haut, puis elle entoure ça sur ses cheveux, puis elle pense qu'elle a mis un hijab, ça, ce hijab-là, il a lui-même besoin d'un hijab. Parce que ça ne respecte pas du tout les conditions de la charia. Le troisième terme qui est employé dans le Coran pour désigner le hijab, c'est le terme jilbab. Et c'est dans le verset 59 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Ô toi le prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur jilbab, leur djalabib. » Djalabib, c'est le pluriel du mot jilbab. Et il dit, et cela est meilleur pour qu'elles puissent être reconnues en tant que femmes croyantes et nobles et chastes, pour qu'elles ne soient pas agressées ou qu'on leur fasse pas du tort. Parce qu'il y avait des hypocrites à l'époque à Médine qui sortaient la nuit. Ils attendaient que des femmes sortent pour aller faire leurs besoins, parce qu'il n'y avait pas les toilettes à l'intérieur des maisons. Alors ils attendaient que les femmes sortent dehors pendant la nuit pour aller faire leurs besoins, pour les agresser ou pour les ennuyer. Et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal a révélé ce verset-là pour que les femmes se couvrent et se voilent. Et le jilbab, il est décrit par les sahaba et par les tabi'in comme étant un large morceau de tissu qui couvre tout le corps de la femme et qu'elle ferme avec son visage pour ne laisser qu'un seul œil pour voir le chemin, comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu l'a mentionné. Bien entendu, ces explications des ulama et des sahaba et des dans les livres de tafsir, on les retrouve, et tout ça s'est clarifié en détail. Mais c'est important de retourner à ces livres-là pour apprendre comme il faut qu'est-ce que c'est le hijab réellement, selon les principes de la charia, pour ne pas tomber dans le piège de se laisser aller avec les modes de l'époque. Parce que les gens aujourd'hui, il y a des femmes qui font des parades de mode avec ce qu'elles appellent un hijab. C'est-à-dire elles portent des vêtements pour montrer comme la mode, puis en même temps elles portent un hijab et elles se mettent un paquet de maquillage sur le visage. Puis elle pense que ça c'est un hijab. Donc si tu portes la femme elle se embellit le visage avec du maquillage, c'est encore plus obligatoire dans ce cas-là qu'elle couvre son visage pour éviter de faire la fitna. Donc c'est ça qui est important de comprendre ici. Et il y a beaucoup d'ambiguïté ou des arguments que les gens qui combattent le hijab essaient d'utiliser pour essayer d'éloigner les gens ou de justifier le fait de pas porter le hijab ou d'éloigner les gens de porter le hijab. Ils disent que à notre époque il faut y aller, il faut que ce soit facile la religion. Donc il faut pas ordonner le hijab pour la femme parce que c'est une complication pour elle. Sauf que toutes les règles de la charia, il y a une certaine difficulté dedans, mais c'est pas une difficulté qui dépasse la capacité de ce que l'être humain est capable de faire. Et dans le hijab, il y a un grand bienfait. Et donc, c'est pas parce que l'époque change qu'on doit commencer à changer les règles de l'islam. Au contraire, il faut remettre en question notre foi et voir l'importance de ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Parmi les arguments aussi qui sont employés et qu'on entend souvent, c'est que certaines femmes disent la pudeur et la chasteté de la femme, c'est pas dans le hijab. C'est en elle-même, c'est en la femme elle-même qu'il y a la chasteté. En voulant dire que si une femme qui est pas chaste porte le hijab, eh bien ça va pas la rendre automatiquement chaste ou pure parce qu'elle le porte. D'accord? Et effectivement, c'est vrai, le fait qu'une femme se voile ou porte un hijab, si elle porte le niqab et le hijab de la tête aux pieds, ça ne veut pas dire qu'elle devient automatiquement une femme pieuse ou une femme chaste. D'accord? Mais au moins ça protège les hommes de la tentation qu'elle pourrait causer par le fait d'exposer ou de dévoiler son corps. Tandis que si la femme était déjà chaste et qu'elle porte le hijab en plus, donc ça c'est comme on dit, nourun ala nour. Une lumière par-dessus une lumière. Tandis que si elle ne l'est pas, eh bien au moins elle préserve les hommes de la tentation qu'elle peut causer. Donc il y a un grand bien dans ça. Mais c'est comme on dit souvent, même en français, on dit l'habit ne fait pas le moine. Hein? L'habit fait le moine aussi. L'habit fait le moine, mais il ne fait pas le moine. Ça veut dire qu'une femme, si elle porte le hijab, elle peut être une femme chaste. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle le porte, elle est nécessairement une femme pieuse ou une femme chaste. N'empêche que même si elle n'est pas chaste, elle doit le porter si elle croit en Allah et si elle croit en l'islam. Et yani, ça va être une cause de protection pour elle-même et pour les hommes également. Et aussi, yani, parmi les arguments, certains ils disent que si les femmes se voilent, ça va créer une sorte de répression sexuelle chez les hommes, parce que à force de pas voir les femmes, ils vont exploser peut-être à cause de ça, et ça va leur causer du tort. Ça fait que la société va devenir en répression à cause de ça. Sauf que lorsqu'on regarde les sociétés non musulmanes où les femmes ne se voilent pas du tout et qu'elles marchent à moitié nues dans les rues, et qu'on regarde les statistiques en ce qui concerne les viols et les agressions sexuelles, et surtout dans les dernières années, on l'a vu dans les médias, eh bien on constate que ces accusations-là sont totalement fausses. Hein? Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que c'est normal que si la femme dans la société musulmane, elle se voile et elle se couvre islamiquement, mais que quand les hommes rentrent chez eux, quand ils ouvrent la télévision, ils regardent des femmes à moitié nues, ou dans leur ordinateur, ou dans leur téléphone, puis que toutes les femmes dans la rue sont voilées, là c'est sûr que l'objectif il n'est pas atteint. Pas parce que les femmes ne se voilent pas, mais parce que les hommes ne se sont pas préservés eux-mêmes de regarder ce qui est haram par d'autres moyens. Donc ça aussi c'est quelque chose, c'est sûr que l'homme il a une part de la responsabilité. Hein. C'est pas seulement la femme qui doit porter toute cette responsabilité-là. Et il y a beaucoup d'autres arguments que les gens portent, amènent. Mais pour terminer, je conclue seulement en disant que si les femmes musulmanes et même les non-musulmanes, depuis le début de la pandémie du Covid, elles ont été capables de porter un masque sur leur visage et de se couvrir le visage. Hein? Tu vois des femmes musulmanes avec le hijab, en plus elles portent pas de niqab, mais elles se couvrent avec le masque. Si elles sont capables de porter le masque pendant plus qu'un an et demi ou deux ans pour une pandémie et pour des raisons sanitaires, pourquoi elles ne seraient pas capables de le porter pour Allah Azza wa Jal et pour sa religion? Et le pire, c'est que si elles le portent pour Allah, eh bien, elle sera récompensée pour ça. Elle aura des hasanats pour ça. Tandis que si elle le fait juste pour des raisons de la dunya, elle n'aura pas de récompense. Donc, qu'est-ce qui est préférable et qu'est-ce qui est meilleur pour elle? Hein? Donc ça nous fait comprendre un point important, c'est qu'on est capable de faire qu'est-ce que Allah nous ordonne quand on a parfois, un incitatif. Et ça nous montre aussi l'importance pourquoi les dirigeants musulmans ont la responsabilité de faire en sorte que les femmes musulmanes se voilent dans la société musulmane et d'imposer des peines ou des amendes aux femmes qui refusent de le porter aussi. Comme lorsque des gens refusent de porter le masque pour des raisons sanitaires, on donne des amendes à ceux qui le portent pas ou qui refusent de le porter dans les endroits publics. Donc c'est la même chose. Hein? Et de préserver les hommes de la fitna et de la tentation, c'est plus important encore que de préserver contre un virus ou des maladies. Parce que la maladie peut te tuer et tuer ton corps, mais le péché peut détruire ton âme et te faire tomber en enfer. Et ça, c'est beaucoup plus grave. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين